Freiligrath, la vengeance des fleurs. Sur les coussins d'un lit moelleux repose une vierge endormie qui chauffe un cil brun et soyeux au feu d'une joue arrondie. Sur la chaise d'osier couverte brille une coupe de vermeil où maintes fleurs demi-ouvertes ne boit plus les dons du soleil. Une triste et lourde chaleur s'est répandue en la chambrette, car l'été chasse la fraîcheur et la croisée est bien secrète. Tout autour se tait la nature. Soudain, écoutez, vers les cieux s'élève un vague et doux murmure dans les rameaux harmonieux. On voit glisser de toutes parts des images mystérieuses, portant habits de fin brouillard et couronnes d'or radieuses. Du sein empourpré de la rose monte une femme au corps mignon. Dans ses boucles, sur son chignon, lui maintes perles qui l'arrosent. Sur le haume du vert nopal, à travers le foncé feuillage, marche un guerrier à l'air brutal qu'un morion léger ombrage. À son aigrette se brandille la plume grise du héron. Du lys sort une jeune fille au diaphane chaperon. Sur la tulipe blanche et brune paraît un nègre avec fierté. L'arc doré de sa demi-lune reluit sur son turban natté. Sur le bord de l'impérial s'avance un roi, le sceptre en main. Son piqueur range sa cavale sous l'iris son bleu baldaquin. Du sein des feuilles du narcisse sort un page au sombre regard. De la vierge le sein se plisse sous les chauds baisers du mignard. Mais des autres le bel essaim fait un cercle à son ennemie et chante en se donnant la main cet air à la belle endormie. Ô vierge cruelle, du sol tu nous as, hélas, détachés pour nous laisser au fond d'un bol languir et mourir desséchés. Ô combien nous étions heureuses en terre, au giron maternel, lorsque les chauds rayons du ciel volaient baiser leurs amoureuses. Quand les frais zéphyrs du printemps courbaient nos tiges au passage, quand nous jouions nos jeux charmants le soir loin des lits de feuillage. Jadis la pluie et la rosée, et maintenant tes bourbiers ronds, notre sève meurt épuisée, mais d'abord nous nous vengerons. Le chant cesse, et l'essaim de fleurs au front de la belle endormie incline ses riches couleurs et parfume son ennemie. Quel bruit léger de fin soupir, comme sa joue est flamboyante, comme les esprits font tiédir les flots de vapeur ondoyante. Soudain, un rayon du jour luit dans la chambrette, l'essaim fuit sur les coussins du lit sommeil, froidissant la jeune merveille. Tendre fleur, brillante un matin, la joue encore mollement rose, près de ses sœurs elle repose, parfum de fleur causa sa fin. Soulève ta paupière close qu'effleure un songe virginal. Je suis le spectre d'une rose que tu portais hier au bal. Tu me prises encore emperlée des pleurs d'argent de l'arrosoir, et parmi la fête étoilée tu me promenas tout le soir. Théophile Gautier. Le prince Eugène ou le camp autrichien. Vedette, crieur de qui vive, joyeuse nuit près de la rive. Attachés à des piquets, les chevaux rongent la cordelle. Aux étroits arçons de la selle sont pendus de lourds mousquets. Autour du feu, mais loin des balles, devant les pieds de ses cavales, gît le poste autrichien. Chacun couché sur sa capote, au shako, plumet noir qui flotte, jeu de dés pour le chrétien. À côté de son cheval pille, se roule comme une toupie le trompette familier. Laissez les dés, laissez les cartes, pour dépister les fièvres quartes, faux chansons de cavalier. 8 jours passés, j'ai 1000 affaires au profit de la troupe entière, en vers plein de passion. J'ai moi-même tracé les notes, donc manteau blanc, rouge capote, faites bien attention. Il entonne la mélodie 1 et 2 fois à l'étourdie, pour qu'il la prenne par cœur. Et quand il a fini l'ariette, soudain, au signal du trompette, à plein son éclate un cœur. Le prince Eugène, le grand sire, cela retentit et déchire les oreilles du turquin. Trompette frisait sa moustache. Chez la vivandière, il se cache pour goûter son petit vin. Commencement d'un air populaire. Rue Botzal, Silésie. Déjà verdit le mûrier sauvage, une violette, ah c'est joli. La grive se retire au bocage et le pinson se fait un nid. La neige a partout quitté la terre et seul le pic blanchit le val. J'ai glissé hors de l'humble chaumière, allons, voici l'endroit fatal, rue Botzal. S'il m'entend, je le regarde en face, il n'est pas méchant. Sur ce roc déposons avec la calebasse ma toile fine au large bloc. C'est la plus belle qui s'élabore dans les foyers du lieu natal. Le gnome ne paraît pas encore. Courage et donnons le signal. Rue Botzal. Rien encore. Au bois, je le supplie pour qu'il nous prête un coup de main. Ma mère a la face si pâlie, chez nous, pas un morceau de pain. Mon père est parti seul pour la foire. Ah, qu'il trouve au moins du métal. De rue Botzal, j'aime le grimoire. Où reste-t-il l'ami féal? Rue Botzal. Plus d'une fois, il fournit son aide. Grand-mère l'a compté souvent. Il est bon aux pauvres qui l'obsèdent quand du malheur souffle le vent. Tout joyeux, j'ai couru sans attendre avec mon ballot bien égal. Je ne veux pas mendier, mais vendre. Qu'il vienne, le bon rue Botzal. Rue Botzal. S'il était content de cette pièce, il en achèterait encore. Quel bonheur! Nous avons une caisse qui pourra produire un trésor. Il en prendra jusqu'à la dernière. Son choix ne tombera point mal. Déjà, je rachète la linière. Ce sera charmant, rue Botzal! Rue Botzal! Je rentre joyeux dans la chambrette et dis « Père, beaucoup d'argent !» Il ne jure plus, ni ne répète « Tisser drap noir est affligeant !» Ma mère me rendra son sourire en servant un repas frugal. Mes petits frères de sauter, rire. Oh, qu'ils viennent, mon rue Botzal, rue Botzal. Ainsi parlait ce gars bon apôtre. Il reste là, pâle et glacé, en vain. Toutefois, de temps à autre, l'air d'un corbeau fut traversé. Il s'arrête, il attend d'heure en heure. Bientôt la nuit couvre le val. Sanglotant et d'une voix qui pleure, il jette encore le mot fatal, rue Botzal. Il quitte la place bocagère et tremble et se met à ployer. Il retourne avec sa panetière vers l'affliction du foyer, reposant sur la pierre moussue et reposant sous le tilleul. Je crois que bientôt sera tissue la chemise du blanc linceul, rue Botzal. Il y a dans cette élégie un fond sombre et désolé que le poète tempère avec beaucoup d'art dans un tableau d'une naïveté pleine de grâce. À un moment donné, l'angoisse du pauvre enfant se communique. On voudrait voir apparaître le bon rue Botzal. C'est le triomphe de l'art. Daniel Stern. Le prince Louis de Prusse ou le massacre des perruques. Le prince Louis, ce grand cœur à la guerre, eut peu de bonheur. Vous le savez dans la banlieue. Mais savez-vous son grand succès? Son sabre, en dépit des Français, a de son chien coupé la queue. Flottez, drapeaux aux deux couleurs, garnissez-vous de riches fleurs. C'était l'an 5 chez un heyduc. Le prince, à côté du bailli, mangeait maint raisin frais cueilli. Le vin doux branlait sa perruque. Autour de lui, 100 officiers jouant comme de vrais boursiers, le toupet mis en trousse-queue, au front double crochet mignon, bien collé, puis sur le chignon, roi des droites, la vieille queue. Les verres choquaient sans façon, du champagne, les blancs bouchons sautaient à la voûte caduque, la musique frappait le vin, maître du sec au clavecin, laissait distiller sa perruque. Louis se lève et fait 3 pas. Il brandit haut son coutelas et perd ses bottes de 7 lieues. Allons, hacheur de piano, hache ma queue en 3 morceaux. Aujourd'hui, c'est le tour des queues. Maître du sec saisit le fer. La victime est sur le couvert. Il tient le prince par la nuque, puis assène un coup des plus forts. Sur la nappe gisait le corps. 38 ans d'âge à la perruque. « Bravo, bravo !» répète un cœur, « suce à cet oiseau de malheur !» Quel massacre de hoche-queue ! Le major coupa de sa main son appendice si vilain, on vit mèche à toutes les queues. Tel fut le triste désarroi de ses cheveux, beau sur ma foi, à rendre jaloux un eunuque. du chant qui le fit immortel, Louis Ferdinand vint au ciel, sans culotte et sans perruque. Il portait tricorne à revers, sabre teint du sang des pervers. Mais un nez long d'un quart de lieue fut le salut de Frédéric, tout ébaubi sur son vieux pic. C'est qu'il avait perdu sa queue. L'armée a coupé cette horreur, Diéna la queue à son vengeur. Mais plus d'une encore nous reluque, qui les viendra jeter en l'air? Cher Louis, envoie un éclair dans les marteaux de la perruque. Il s'agit de la bataille de Saalfeld.